Entracte de Pierre. Texte par Maurice Guillemot. Eau-forte par Eugène Béjot. Paris est la ville protée, multiforme, tour à tour gaie ou triste, sombre ou lumineuse, banale ou pittoresque, une et encyclopédique, dont on ne saurait se lasser d'écrire l'histoire, de peindre l'aspect, de chercher les infinis détails. Sa vie intense est fournisseuse de chroniques incessantes, d'albums innombrables, et les archives précieuses s'accumulent auxquelles tout artiste apporte sa contribution. Cette fois, un chroniqueur subtil et informé, un curieux, selon l'expression d'Ernest Hervilly, s'est allié à un croquiste spirituel et exact dont on connaît déjà la série intitulée « Squares et jardins ». Et l'union de leur fantaisie, de leur observation minutieuse, de leur attentive et passionnée enquête, a donné naissance à un très curieux livre pour amateurs, à quelque chose d'absolument inédit et d'imprévu, dont le titre est déjà une enseigne alicientante, « Entracte de Pierre ». De la grande ville, ils ont voulu voir le côté charmeur, geôlier. Parmi les rues et les boulevards, sur les hauteurs de Montmartre, aussi bien qu'au courant du fleuve, ils ont cherché la petite fleurette bleue, l'oasis de verdure, le balcon enguirlandé de l'écrivain, la tonnelle de l'invalide, le verger de l'aiguilleur, la vigne de l'éclusier, tous ces menus morceaux de palette embaumante qui égaient les immenses et mornes bâtisses, ces bribes de nature qui survivent à la fièvre de travail des architectes, qui échappent aux démolitions et qui suffisent à réjouir un peu la vue, qui attirent et qui consolent. En lettré flanochant au hasard des badauderies, M. Maurice Guillemot nous invite à respirer les roses de l'archiprêtre de Notre-Dame, à goûter les vendanges du préposé aux portes du canal Saint-Martin, à admirer les soleils rutilants, disques d'or intenses, dont la petite cabane est encadrée au croisement des rails, près du pont de l'Europe, dans le brouhaha et les nuages de la gare. Et tout cela, qui est la poésie élégante dans la prose de l'existence mercenaire, des soucis fidèles, des labeurs pesants, de l'inquiétude vitale, tout cela, il nous le montre. Il nous le donne à sentir comme un de ces bouquets que la grisette, ou mieux, la midinette, rapporte de son dimanche d'été et dont elle part pour la semaine entière sa mansarde trop nue, sa fenêtre trop triste. Afin de bien affirmer la toile de fond immuable de ce panorama qui défile en quelques pages, M. Eugène Béjot a mis dans chacune de ses eaux fortes le leitmotiv de la ville, avec ses quais, ses dômes, ses flèches, ses monuments, ces arbres. Cet ouvrage se pourrait appeler un Baedeker de poète. Il révélera, même à des Parisiens parisiennants, bien des coins délicieux de leur ville qu'ils ignorent. L'information est précieuse, le texte élégant, l'illustration très artiste, la fabrication au sens technique du mot originalement soignée, un tirage restreint garantit la sélection de l'acheteur. Et sur le rayon préféré de la bibliothèque, là où sans préoccupation de format, d'épaisseur, de couleur, on aligne les bijoux typographiques, Entracte de Pierre aura sans nul doute place d'honneur. Ici se termine Entracte de Pierre par Maurice Guillemot.